Hier, j'étais bloqué sur une île. L'eau a commencé à monter alors que j'étais en train d'acheter ma dernière bière. J'avais de l'eau jusqu'au mollet et j'ai dit au gars: paye-moi ma dernière bière et après on évacue. Et tout a été emporté. Et on a essayé de s'enfuir sur un petit bateau à vapeur. Et les grands bateaux, les bateaux de guerre et les paquebots étaient abandonnés et tournoyaient dans les tourbillons et tournoyaient dans les courants. Et nous, on devait les éviter. Et eux, ils se cognaient les uns aux autres comme de vulgaires dominos de métal sur l'eau. Et on n'arrivait pas à s'échapper. Alors on a dit, on prend le large. Mais on est arrivé dans une structure en métal. On savait absolument, parce que c'était comme une antenne géante qui surgissait des eaux. Et on était piégés dans les tiges de métal, les tiges d'aluminium qui nous emportaient, qui allaient nous casser. Alors, on a débarqué sur une petite île qui était par là. C'était l'île du samouraï. Sur l'île du samouraï, tout le monde a été exterminé par un samouraï. Mais moi, j'ai décidé de régresser. J'étais dans un jeu vidéo en 3D, et j'ai décidé de régresser dans un jeu vidéo minable en 2D. Une espèce de jeu de stratégie qui considérait les différentes parties de l'île du samouraï. Et donc je n'étais plus un individu parce que je n'étais qu'une partie de l'île du samouraï. Parce que dans ce jeu régressé dans lequel je jouais, il n'y avait pas d'individu, il y avait juste des parties de l'île du samouraï qui étaient des carrés. Et donc j'étais par exemple sur le ponton de l'île du samouraï, dans la pièce en bois de l'île du samouraï, sur la plage de l'île du samouraï, mais je n'étais pas un individu qui se baladait sur l'île du samouraï. Et si j'avais été un individu, il aurait pu me tuer, le samouraï. Et d'ailleurs, mon sabre avait déjà été cassé à moitié, alors je n'avais aucun intérêt à revenir dans la 3D. Je devais plutôt rester dans le schématique du 8 bits du vieux jeu vidéo. Mais à ce moment, un paquebot intact est venu me chercher et j'avais oublié mon sac, mais j'ai embarqué quand même pour revenir à la civilisation.